Parce que je me retrouve tout seul, resté à faire des comme un con. Après mes bacchanales d'alcool, les regrets deviennent obsession. Et le manque son absence me ronge. Je fais comme si mais je peux pas arrêter tous vos mensonges. Sans elle je n'y arriverai pas. Les mots d'amour, j'ai pas les dires. Les yeux doux, les larmes, les soupirs. Je te donnerai bien plus que ça. Les mots d'amour, j'ai pas les dires. Les yeux doux, les larmes, les soupirs. Je te donnerai bien plus que ça. J'ai mal à la tête, je prends un cache d'aspirine. Parce que les tourments m'embêtent, je m'évade dans la nicotine. Mais pour mes blessures profondes, celles qui font masquer du cœur, celles qui me font haïr le monde, quel remède soignera ma douleur. Les mots d'amour, j'ai pas les dires. Les yeux doux, les larmes, les soupirs. Je te donnerai bien plus que ça. Les mots d'amour, j'ai pas les dires. Les yeux doux, les larmes, les soupirs. Je te donnerai bien plus que ça. Ils sont sauvages dans la glaciale, traverser le ciel des dieux. Ce matin sous le soleil pâle, c'est dans un grand V victorieux. Que dans l'envol on est tranquille. Elles volent aux hommes encore montrer la majesté de leur exil avant qu'ils commencent à tirer. Les larmes, les soupirs. Je te donnerai bien plus que ça.